إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، excusez-moi, il y avait un problème de son, j'ai réglé le son. Inch'Allah, maintenant le son est plus fort, bi'iznillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. وابن ماجه والترمذي وحسنه والألباني. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ad-dunya mal'ouna. La dunya est maudite. D'accord? Donc ce bas monde est maudit. Mal'ounun ma fiha. Est maudit ce qui est en elle. Illa dhikrallah. Sauf le rappel d'Allah. Wa ma wa Allah. Et ce qui en découle du rappel d'Allah. Ou aliman ou mut'allima, ou un savant ou celui qui apprend. D'accord, un savant dans la religion ou celui qui apprend la religion. Ce hadith apporté par Ibn Majah ainsi que Tirmidhi, et Tirmidhi l'a dit qu'il était Hassan ainsi que Al-Albani. Maintenant nous allons prendre le cours de fiqh inshallah. Nous sommes toujours dans le fiqh al-Shafi'i avec le livre qui s'appelle Mukhtasaru Abi Shuja' de l'imam Abu Shuja' rahimahullah dans le fiqh al-Shafi'i. Et nous sommes toujours dans le chapitre de la zakat. Nous prenons un nouveau sous-chapitre. Donc l'imam Abu Shuja' rahimahullah a dit Faslun, un chapitre, un sous-chapitre. Fi zakat al-ma'dini wal-rikaza. Alors, c'est maintenant, on va voir dans la zakat des minerais qu'on extrait, wal-rikaz et les trésors, c'est-à-dire les trésors qu'on trouve sous la terre. D'accord? Donc là, c'est la zakat de tout ce qui se trouve dans la terre. Quand on creuse, on peut trouver des choses, soit des minerais qu'on extrait, ou alors un trésor ou autre, ou des vestiges anciens, d'accord, qui sont sous la terre. Et le mot arrikaz ici, donc qu'on traduit généralement par les trésors, trésors qui sont enfouis, le but voulu ici, Inch'Allah, la parole la plus juste, Inch'Allah, c'est ceci: ma ujda min mal al kuffar al-mu'ahadin. C'est ce qu'on trouve de l'argent des kuffars, des mécréants, sans que ces mécréants soient parmi les mu'ahadin à qui on a un pacte. D'accord? Donc ça englobe, même si c'était avant la venue du prophète, ou après, quand on trouve. Quand on creuse, on trouve par exemple des trésors ou des biens ou autre, des vestiges ou autres, et que ça appartenait à des mécréants auxquels les musulmans n'avaient pas de pacte. Donc l'imam Abu Shuja, rahimahullah, a dit: Wa ma stukhrija min ma'adini dhahbi wal fidda. Donc ce qu'on sort, ce qu'on extrait parmi les minerais d'or et d'argent. Yukhraju minhu rubul 'urj fil hal. On sort de ce qu'on extrait, d'accord? Rubul 'urj, donc le quart du dixième, c'est-à-dire 2,5%, fil hal, dans l'état, c'est-à-dire qu'au moment où on l'extrait. Donc il ne faut pas attendre là, on n'attend pas une année qui soit passée sur l'or ou l'argent qu'on extrait de la mine. Attention, il faut bien préciser, là c'est l'or qu'on extrait de la mine, c'est pas une perte quand on achète l'or, d'accord? Ceux qui extraient l'or de la terre ou des rivières ou de la mine, d'accord, ils doivent sortir au moment où ils trouvent cet or ou cet argent, d'accord, ils doivent sortir 2,5% quand ils les extraient, au moment où ils extraient l'or ou l'argent. Comme a dit le Razi, in bara nisaba, si, à condition que ce qu'ils extraient, ça atteint le minimum de la zakat de l'or ou de l'argent, qui est 85 grammes pour l'or et 595 grammes pour l'argent. Je vais lire, Inch'Allah, une petite annotation par rapport aux divergences. Donc là, on voit que dans le mazhab Shafi'i, à la base, on sort la zakat de ce qu'on laisserait comme minerai, de l'argent, de l'or et de l'argent seulement, pas autre chose. D'accord? Ça, c'est dans. C'est chez l'imam Ash-Shafi'i, et c'est aussi la parole de l'imam Malik, rahimahumallah. Wa min ghayrihima idan 'inda Abi Hanifa wa Ahmad, et c'est aussi et autre, excusez-moi, et autre que ces deux-là, donc c'est-à-dire que c'est que l'or et l'argent, même si on parle de quelqu'un qui va extraire du cuivre, un autre minerai, hein, du fer ou autre, il doit sortir aussi cette zakat. Ça, c'est chez Abu Hanifa et chez l'imam Ahmed. Ensuite, quel est le dalil pour ceci? Nakhla ijma' wujub zakat fil ma'dan an-nawawi wal-qarafi wal-iraqi. Des savants comme l'imam an-nawawi, al-qarafi wal-iraqi a dit que il y a eu ijma' unanimité comme quoi il faut sortir la zakat de ce qu'on extrait de la de comment dirais-je de la comme minerai, et notamment le minimum, c'est sur ce quoi il y a eu un ijma, c'est sur l'or et l'argent. Après, il y a des divergences. Donc je lis certaines annotations, mais voilà, ça donc là c'est dans ce que je dis, c'est dans ce qu'on appelle donc le mazhab Ash-Shafi'i, d'accord. Ensuite, ça c'est par rapport à ce qu'on extrait, d'accord, des minerais, et donc de ce qu'on extrait de l'or comme or et argent des minerais, pas autre chose dans le mazhab Ash-Shafi'i. Ensuite, l'imam Abu Shuja rahimahullah a dit: wa ma yujadu min ar-rikaz. Et ce qu'on trouve parmi les trésors, et comme je l'ai dit, c'est les trésors spécifiques, c'est donc les trésors qui sont enfouis, c'est de l'argent ou des vestiges ou autres qui sont enfouis sous terre et qu'on sort. et qui appartenait à des koufars, à des mécréants, à qui les musulmans n'avaient pas de pacte. D'accord? Fafihi al-Khumus, dedans, il y a le cinquième à sortir. Donc là, c'est pas 2,5%, c'est le cinquième, c'est-à-dire 20%. Et cet argent, on le donne à Al-Fay, à la vie le plus juste, Inch'Allah. Al-Fay, c'est-à-dire que c'est le 5%, les 20%, donc le cinquième, on sort le cinquième, donc 20%, et on le donne à ce qu'on appelle Al-Fay, les gens qui mettent le Al-Fay. Al-Fay, c'est on utilisera le Fay dans le djihad, et le Fay doit être, c'est l'imam qui va, en fin de compte, l'imam des musulmans, dans un pays musulman, par exemple, le gouverneur musulman qui va. Donner cet argent à qui de droit parmi les pauvres ou autres, d'accord? À qui il estime à qui cet argent, donc c'est 20% qu'on sort de ces trésors, à qui profitera le mieux parmi la communauté. Ou à filhal, et ça doit être donné au moment où on extrait ces trésors. Donc il ne faut pas attendre une année lunaire, d'accord? Comme pour les comment dirais-je, les deux minéraux qu'on les deux minerais qu'on extrait, l'or et l'argent. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس لا بروس دونك سو حديث كي متفق عليه دونك كي رابورتي بار البخاري ومسلم دون لور دو صحي و لو بروفيت صلى الله عليه وسلم ادي وفي الركاز الخمس اي دون لو ركاز دونك دون لو تريزور يا كوا الخمس دونك لو 5 سي دير 20% la zakat sortie ici c'est 20% les deux minerais l'or et l'argent c'est 2,5 et pour les trésors enfouis c'est 20%. Ensuite, l'imam Abu Shouar a dit un autre chapitre qui est fi zakat al-fitr, dans la zakat al-fitr, donc du jeûne. Vous savez que quand on jeûne au mois de Ramadan, à la fin, il faut sortir ce qu'on appelle zakat al-fitr. D'accord? Donc, l'imam Abu Shouar a dit wa tajibu zakat al-fitr bi thalathati ashiya. Et la zakat al-fitr est obligatoire par trois choses. La première chose, l'islam. D'accord, l'islam, que les personnes soient musulmanes, pas mécréantes. Deuxième chose, wa bi ghurubi shams min akhir yawm min shahr Ramadan. Et c'est obligatoire au moment où le soleil se couche, donc c'est l'entrée de l'heure de Maghreb, min akhir yawm min shahr Ramadan, du dernier jour du mois de Ramadan. C'est à ce moment-là que la zakat fait devient obligatoire, pas avant. Ça veut dire quoi ça concrètement? Donc si une personne jeûne le mois de Ramadan et qui meurt le dernier jour avant le Roulou Shems, eh bien, il n'y avait pas de zakat à sortir pour lui. D'accord? S'il meurt le dernier jour de Ramadan pendant qu'il jeûne, donc juste avant le Maghreb, eh bien, il n'y a pas de zakat pour lui à sortir. De même, si un enfant naît le dernier jour, par exemple, ou l'avant-dernier jour, etc., dans le mois de Ramadan, il y a zakat à sortir. Mais s'il naît après le Roulou Shems, après donc le coucher du soleil, du dernier jour du mois de Ramadan, eh bien, il n'y a pas de zakat à sortir pour cet enfant. Troisième condition, wa wujud al-fadl li an kutihi wa kuti 'iyalihi fi dhalika al-yawm min naharihi wa laylatihi. Et le fait que celui qui va sortir la zakat, eh bien, il doit avoir un surplus de kutihi, de nourriture, qui est nourriture qui est consistante, par laquelle on peut vivre, c'est-à-dire que on ne compte pas, on prend pas en considération les épices, par exemple, ainsi que la nourriture de ceux qu'il a en charge, c'est-à-dire de sa famille, de ce jour-ci, et ce jour-ci en comptant sa nuit, la nuit de ce jour-ci et le jour de ce jour-ci. Donc si à ces trois conditions, la zakat al-fitr est obligatoire sur cette personne. Ensuite, l'imam Abu Shujar rahimahullah, a dit « وَيُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » Donc, il sort, le musulman, la zakat de lui-même, donc pour sa propre personne, donc une zakat de sa propre personne. « وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ » Et de qui ça lui incombe le fait qu'il doit subvenir à ses besoins. Ça veut dire que, on va prendre un exemple, un père de famille qui est marié et qui a trois enfants, il doit sortir la zakat pour lui, donc une personne pour sa femme, deuxième personne, et pour ses trois enfants, ça fait deux et trois, ça fait cinq, donc il doit sortir pour l'équivalent de cinq personnes. Minal muslim, parmi les musulmans. Ça veut dire que si jamais un musulman est marié avec une mécréante chrétienne. Il ne sort pas pour sa femme chrétienne. Par contre, ses enfants, il doit sortir parce que les enfants nés d'un de parents musulmans sont musulmans. D'accord? En sachant que la femme musulmane n'a pas le droit d'épouser un mécréant. Il doit sortir quoi comme zakat pour chaque personne? Sa'an min kuti baladi. Sa'an, donc une mesure qu'on appelle sa'an. Et comme vous devez vous rappeler, on a vu cette mesure quand on a étudié la zakat, notamment de Athimar Wazurur, la zakat des cultures et des fruits. Sa'an, ça équivaut à Arba'ati Amdad. Ça vaut 4 Amdad. Amdad, c'est le pluriel de Moud. Ça veut dire quoi? Je vous rappelle le moud avec un mim et un dad mouchaddada. Avec un mim et un dal mouchaddada. C'est quand on réunit ces deux mains, d'accord? Et que cette deux mains, on va prendre, on va la remplir par exemple de blé, d'accord? On l'en réunit. Ça s'appelle un moud. Et on doit prendre la moud de deux mains d'une personne de corpulence moyenne, c'est-à-dire qu'on va pas prendre un petit enfant qui a des petites mains, ni une personne qui est grande, qui a de grandes mains, donc qui va prendre plus, c'est l'équivalence d'une personne de mains, d'accord, de corpulence moyenne. Sœur, min kuti baladihi est de la nourriture de base de son pays. D'accord, donc ça peut être par exemple du blé, de l'orge, ou par exemple du riz aussi, ou autre parmi la nourriture dans ce pays. Et sa mesure, et là Abou Shouja, Rahman, il va parler par sa mesure de son époque à lui. Ça équivaut à 5 artol et le tiers bil'ilaqi est par l'iraquien, c'est-à-dire par la mesure du ritle irakien. À notre époque, on ne s'en sert plus. Peut-être qu'en Irak, peut-être qu'il s'en sert encore, peut-être dans les villages, je ne sais pas. Mais sinon, on ne s'en sert plus. Et le mieux, c'est de faire comme je vous ai dit, comme c'est comme le prophète Hassan et Saba faisaient, c'est-à-dire un soir, 4 amdad. Fasloun, chapitre, masalifu zakat. Alors, à qui on donne la zakat? D'accord? Quels sont, à quelle catégorie? Quelle catégorie de gens à qui on peut donner la zakat? Donc l'imam Abu Shouja, rahimahullah, dit: wa tudfa'u zakatu ila al-asnafi thamaniyati alladhina dhakarahum Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz. Et donc on donne la zakat aux trois catégories qui ont été citées par Allah Azza wa Jal dans son livre, son livre puissant, donc le livre al-aziz. Dans la parole d'Allah Azzawajal qui est celle-ci, innama sadaqatu lil fuqara. Certes, les sadaqat, et là le mot sadaqat, c'est-à-dire la zakat, sont pour qui? Un lil fuqara, pour les pauvres. Ou al masakin. Alors le masakin, on va voir une petite différence entre le fuqara et le masakin, avec une divergence. Les deux sont des pauvres, mais un a une caractéristique plus forte que l'autre. Je vous donne donc d'accord. Donc là, les deux premières catégories sont citées par Allah sont al-fukara et ensuite al-masakin. Donc al-fukara, bon, c'est le pluriel de fakir, pauvre. Wa-masakin, c'est le pluriel de miskin, pauvre. D'accord. Mais il y a une divergence, inshallah. Enfin, il y a une différence et on va lire, inshallah, la vie le plus juste, bismillah, pour cette c'est quoi la différence entre al-fukara ou al-masakin. La différence entre ces deux catégories de pauvres. الفقير من لا يجد ما يقع موقعا من كفايته وكفاية من يمونه للأكل والشرب والسكن والكسوة والزواج بمال أو كسب. Alors je vous traduis. الفقير, non, الفقير, donc c'est la première catégorie de pauvres. C'est celui qui ne trouve pas de quoi il peut subvenir, d'accord, à lui-même, et de subvenir à ceux auxquels il a la charge, comme par exemple sa femme et ses enfants, l'il acte, pour la nourriture, wa shurb pour la boisson, wa sukna pour l'habitat, wa kuswa pour les vêtements, wa zawaj pour le mariage. Bimalin ou kas par rapport à de l'argent ou kasb ou à une rentrée d'argent par exemple comme le travail. C'est-à-dire qu'il n'a pas assez. Il ne trouve pas ça, d'accord? Donc ça c'est la première catégorie. Catégorie. Elle est plus forte que la deuxième catégorie. La deuxième catégorie de pauvres, qui est ce qu'on appelle al-miskin, d'accord? Man yajidu dhalika wa la yajidu tamam al-kifaya. C'est celui qui trouve ceci, c'est-à-dire qu'il trouve de quoi quand même se nourrir, d'accord? Se vêtir, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a du doute à même al-kifaya, mais il ne trouve pas le fait de compléter cette suffisance. C'est-à-dire qu'il va trouver à manger, mais il va des carences alimentaires, par exemple. Il va trouver à se vêtir, mais pas complètement. C'est-à-dire que par exemple, en hiver, il n'a pas assez de vêtements chauds ou pour toute sa famille. D'accord? Pour le mariage, il veut se marier, par exemple. Donc il a un peu d'argent pour sa dot, mais il va lui manquer le quart de la dot afin qu'il se trouve à marier. C'est-à-dire qu'il a, mais il a de l'argent, mais il n'a pas assez. D'accord? Ça, c'est le miskina. Lui aussi, on donne. Ensuite, la parole la plus juste, on leur donne combien? On leur donne la huma tamam ou kifayatihim li amin kamilin. D'accord? La vie la plus juste, inshallah, c'est qu'on leur donne à ces deux catégories, hein, soit qu'il n'a rien ou soit qu'il y a quelque chose mais qui ne lui suffit pas assez, tamam ou kifayatihima. Ce qui va compléter leurs besoins. C'est-à-dire qu'après, ils n'ont plus besoin. Les amin kamilin pour une année complète et une année lunaire. D'accord? Donc on va leur donner pour une année lunaire. D'accord? Pas plus et moins. Si on sort de la zakat, on a donné la zakat et puis qu'en fin de compte, comment dirais-je, la personne a besoin plus que de nous, ce qu'on peut donner la zakat, on lui donne quand même. Mais si la personne, si on a par exemple 10 000 euros de zakat à donner, et qu'une personne, pour suffire dans son année, il a besoin que de 5 000, on va donner que 5 000. Les 5 000 autres euros, on va les donner à une autre personne. D'accord? Je finis la notation ici. J'ai fini. Okay. Ensuite, je continue le verset. Donc là, Allah Azzawajal cite maintenant la troisième catégorie. Wal-amilina alayha. Et ceux qui travaillent pour elle, ceux qui travaillent pour la zakat. C'est-à-dire que si jamais dans Dar l'Islam, d'accord? Un pays qui gouverne par la charia, eh bien, le gouverneur va employer des gens afin d'aller récupérer la zakat auprès des gens et notamment auprès comme on a vu, des agriculteurs et de ceux qui ont du bétail. Donc ces gens-là, on les appelle al-amiloun al-zakat, ceux qui travaillent pour récolter la zakat. D'accord? À eux, on leur donne aussi de l'argent, même s'ils sont riches. Ce n'est pas une condition d'être pauvre pour travailler en tant que récolteur de zakat. Une personne qui a de l'argent, qui n'est pas pauvre, il peut se faire embaucher par le gouverneur musulman afin d'aller récolter la zakat. D'accord? Et on va voir à qui on donne jamais de zakat. Ça va venir, ça, Inch'Allah. La quatrième catégorie est citée par Allah Azzawajal, wal mu'allafati qulubuhum. À ceux à qui on veut, on va dire, je vais dire, adoucir, entre guillemets, ou rassembler leur cœur, dire pour l'islam. D'accord? À qui, par exemple, on espère leur islam, ou comme on va voir, Inch'Allah, maintenant, je vais lire la notation, Wahum Aksam, parce que c'est Al-Mu'allafati Kulubuhum, comme a dit Allah Azzawajal, ça a plusieurs catégories. Je vais vous le citer, Inch'Allah, Hum Aksam, Minha, ils sont de plusieurs sortes, d'accord, ces gens-là. Parmi elles, Man Yurta li Yuslim, ceux-là à qui on donne afin qu'ils deviennent musulmans, d'accord, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait. D'accord? À cela, on peut donner la zakat. D'autres personnes, man liyarsun islamu, qui, d'autres personnes, afin que son islam yarsun, c'est-à-dire devienne bien. D'accord? Quelqu'un qui vient, pardon, qui vient de se convertir, mais il a un petit peu de je ne vais pas dire de doute, mais bon. On sent qu'il est dans les scènes, il n'est pas très très à l'aise. Et bien, afin de justement que son cœur soit raffermi sur l'islam, on peut lui donner de la zakat. Notre catégorie, man yurja islamu nuzara'ihi. On va donner à qui on espère par من excuse-moi, man li yurja islamu nudharaihi. On va donner à celui à qui par lequel on espère ils vont se convertir ceux qui sont comme lui. D'accord? On va donner à une personne afin que d'autres gens soient comment dirais-je, voient ça comme une chose très bien et donc ils vont se convertir aussi à l'islam afin qu'on espère. D'accord? Man yurja daf'u sharrihim ou daf'uhum 'an al-muslimin, à qui on espère, en donnant à eux, donc la zakat, écarter leur mal. Ou daf'uhum 'an al-muslimin, ou les écarter, eux, des musulmans. D'accord? Donc il y a plusieurs catégories. Ensuite, la cinquième catégorie, wafir riqab. Et dans riqab, ce sont donc les esclaves. Alors, là aussi, on va lire une annotation. C'est pas. Je vais vous lire, Inch'Allah. C'est qui les esclaves ici? Al-Mukatab. Alors, c'est quoi le Mukatab? Ça, on va l'étudier, Inch'Allah, dans le livre. Al-Mukatab, c'est l'esclave qui a fait un pacte avec celui qui le possède afin qu'il aille travailler et ramasser le plus d'argent possible, qu'il le donne à son maître afin qu'il soit affranchi par ce pacte qu'il a entre lui et son maître. D'accord? Donc il va dans son maître va lui dire je te laisse tant de temps afin que tu me ramènes par exemple 10 000 euros. Si tu me ramènes 10 000 euros, et ben ça sera ton affranchissement. Donc ces personnes-là qui sont sous l'esclavage et qui font des contrats avec leur maître afin d'être libérés par rapport à de l'argent, on peut leur donner la zakat afin de faciliter le fait qu'ils sortent de l'esclavage. Oui, Rakik, ainsi que le fait aussi de, avec cet argent, libérer des esclaves, surtout les esclaves musulmans, si on espère qu'en eux il y a un bien. Ainsi que wafakul asir et de libérer le prisonnier musulman. Bien sûr, on parle de musulman, là, toujours. De libérer le prisonnier musulman. C'est-à-dire que s'il y a des koufars qui ont pris prisonnier des musulmans, et bien on peut leur donner de l'argent aux mécréants afin qu'ils libèrent les musulmans prisonniers et les musulmanes prisonnières. Ensuite, Allah Azzawajal a cité une autre catégorie. Wal-gharimin. Wal-gharimin. Là, c'est le gharimin. Il y a plusieurs aussi sortes qu'on va voir, Inch'Allah. Parmi elles, le gharimin, on va dire déjà, c'est ceux qui ont des dettes. Mais on va voir plus ou moins en détail. Al-madinun li islah anfusihim fi mubah am muharram idha tab. Donc, c'est ceux, par exemple, qui sont endettés, d'accord? Notamment qui n'arrivent pas trop à se sortir des dettes, l'islah nufusim afin de qu'il se comment dire l'islah nufusim qu'il se comment dire l'islah qu'il se réforme eux-mêmes, d'accord? Donc afin qu'ils deviennent bien et qu'ils ne fassent pas n'importe quoi avec leurs dettes. Fi mubah, dans une dette qui est mubah autorisée. Ou muharram idha tab, ou une dette qui est haram, mais si il serait repenti. D'accord? Mouba, une dette moubah, par exemple, quelqu'un qui s'est endetté pour acheter, par exemple, une maison. Et le haram, par exemple, quelqu'un qui s'est endetté pour acheter quelque chose de haram. Donc là, quelqu'un qui s'est endetté pour acheter quelque chose de haram, pour le haram, on ne va pas lui donner de la zakat. Sauf si, comme c'est marqué ici, sauf si il s'est repenti du haram. Donc là, on peut l'aider en lui donnant la zakat pour ce qui sort de cette dette, s'il a fait le taouba. Deuxième catégorie, Aouli islahin bayna ta'ifatin min al-muslimin kama yatahammalu diya. Ou pour réformer, pour donc là c'est pour faire la concordance, c'est-à-dire pour enlever l'animosité qu'il y a entre deux groupes parmi les musulmans, c'est-à-dire qu'il y a deux, par exemple, deux tribus qui se combattent, qui se font la guerre, et une personne, comme c'est marqué ici, par exemple, il y a une tribu, on a tué une personne de cette tribu. D'accord? Et cette tribu-là estime que c'est une autre tribu qui a fait ceci, d'accord? Par droit ou par ignorance, d'accord? Ils disent ça. Et commence à donc ces deux tribus commencent à se disputer ou autre, et donc ils vont même se combattre. Et il y a une personne qui va vouloir les concilier et qui va dire, eh bien, écoutez, c'est pas grave, la personne qui est morte, par exemple, la personne qui a été tuée, eh bien, moi je vais donner la dia, donc c'est comme on va étudier aussi, Inch'Allah, ce que c'est qu'une dia, c'est le prix du sang. À la base, c'est 100 chameaux, c'est l'équivalent ou l'équivalence de 100 chameaux. Et cette personne-là va dire à la tribu qu'il y a une personne qui a été tuée, écoutez, moi je vais donner la dia afin mais vous arrêtez de vous entretuer. D'accord? Donc cette personne qui s'est portée garante pour donner la dia, eh bien on peut donner à lui la zakat afin qu'il donne cette dia. Même comme c'est marqué ici, même si cette personne est riche. Hein, d'accord? Voilà. Ensuite, Allah Azzawajal a dit « Wafi sabilillah » et dans le chemin d'Allah. Alors, ça veut dire quoi « Fi sabilillah » Dans le Coran, quand le mot « al-jihad » ou « Fi sabilillah » est cité, on veut dire le djihad par les armes. Sauf s'il y a une spécification qui implique que c'est par exemple par le Coran. Comme par Allah, Allah Azzawajal a dit « Wajidhum bihi jihadan kabira » et fait le djihad contre eux avec lui, c'est-à-dire avec le Coran. Donc là, on sait que le djihad, c'est le djihad par le Coran, c'est-à-dire par la langue. Mais sinon, quand le mot djihad ou fi sabilillah est cité, c'est-à-dire le djihad par les armes. Et tous les fuqaha, d'ailleurs, ici, disent que le fi sabilillah ici, c'est-à-dire avant tout le djihad par les armes. Même si certains viennent et veulent agrandir par ici. Mais on pourra voir ça, Inch'Allah, un peu plus. Je vois si on voit ça ici maintenant ou pas. C'est qui avant tout eux? Humul Ruza. Eux, ce sont Al-Ruza. D'accord? Le pluriel de razi, ceux qui font la razwa. D'accord? Et le mot razwa, ça s'applique seulement pour une attaque armée. D'accord? C'est-à-dire les mujahidoun qui font ça, les mujahidoun, à la ligne yuqatilun bis-suyuf, c'est les mujahidoun, ceux qui combattent par les épées, par les armes. Mais attention à condition. Alladhina la diwana lahum, c'est ceux qui n'ont pas de diwan, c'est-à-dire qui n'ont pas, on va dire, de salaire à eux. Si c'est une armée, et donc les militaires, les mujahidoun, ils ont un salaire, d'accord, qui est donné par le hakim, par le gouverneur, donc eux, ils n'ont pas le droit à ce moment-là à la zakat. D'accord? Mais si jamais ils font le djihad, fi sabilillah, et ils sont pas payés, d'accord, pour faire ceci, donc eux, ils ont droit à la zakat. Sinon, ils n'ont pas le droit à la zakat. Et il est Ratim min baitilma, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de ratim, n'ont pas un salaire de l'argent, de la maison de l'argent, c'est-à-dire que de l'argent dont est responsable le gouverneur musulman. Yu'tauna qadra ma yahtajun min nafaqati tarikihim wa iqamatihim wa thamin as-silah wa al-khayl wa law kana aghniya. Et on leur donne quoi aux mujahidoun, qui n'ont pas bien sûr de salaire. On leur donne la mesure de quoi ils ont besoin, comme nourriture, comme provision pour leur chemin, c'est-à-dire que durant comment dirais-je, leur chemin, c'est-à-dire que durant leur combat, quand ils sont utilisés en tant que mujahidoun, et dans, quand ils sont, comment dirais-je, c'est-à-dire quand ils sont résidents, mais qui restent. Sous l'ordre qui reste à la disposition du djihad, c'est-à-dire qu'ils attendent, comme par exemple, on va dire, à notre époque, on va dire dans une caserne, donc là aussi on donne la zakat s'il reste là. On va ainsi là, ainsi que le prix de l'arme, donc s'ils ont besoin d'armes, et eh bien la zakat peut. On se sert aussi de la zakat pour payer les armes dont les mujahidoun ont besoin, ou al-khayl, ainsi que les chevaux, ça c'était avant, maintenant on ne prend plus les chevaux, mais ça rentre dans les armes, donc tout ce qui est autre comme véhicule, ou al-kanu aghniya, et même s'ils sont riches, c'est-à-dire que même si les mujahidoun ils sont riches, ils ne sont pas des pauvres, et eh bien on leur donne aussi de l'argent. Parce que déjà d'une, s'ils sont pauvres, et eh bien ils rentrent dans les deux premières catégories qu'on a citées. Dernière catégorie, donc la huitième et dernière catégorie, Allah a cité ici, Wabni Sabil, et l'enfant du chemin, c'est-à-dire le voyageur, Là aussi, je vais vous lire quelque chose pour bien définir c'est qui ce voyageur. On ne donne pas n'importe quel voyageur. والمسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. C'est le voyageur où toute subsistance a été coupée, c'est-à-dire qu'il n'a pas, il n'a plus de quoi poursuivre son voyage. وإن كان ذا يسار في بلده. Et même si il est une personne qui a de la facilité, c'est-à-dire que c'est même l'âme de l'argent, d'accord, dans son pays. C'est-à-dire quelqu'un qui se retrouve dans son voyage, soit qu'on lui a volé ou quoi, ou qu'il n'avait pas prévu que son voyage allait coûter tant que ça, et puis qu'à un moment donné, eh ben, il n'a plus d'argent pour continuer son voyage, notamment afin de retourner chez lui, eh bien on peut lui donner de la zakat, même si chez lui, là où il habite, eh bien il a de l'argent et il est riche. Bien sûr, à notre époque, il faut comprendre ça. Maintenant, n'importe une personne peut très facilement se faire envoyer de l'argent de son pays, d'accord? Maintenant, c'est une personne donc il ne peut pas, il n'a pas de l'argent sur lui ou il ne peut pas utiliser, on va dire par exemple s'il a une carte bleue ou ces choses-là, d'accord? Donc là, on lui donne de la zakat afin qu'il complète son voyage. Fayurta mayubaliru ilayhi. Donc, on lui donne ce qui va pouvoir lui permettre de le remettre là où il était, c'est-à-dire que de retourner chez lui afin qu'il termine son voyage. Ce verset est dans la sourate At-Tawbah, le repentir, c'est le verset numéro 60. Il est déjà 21h37. D'accord, et Stéphane, oui, parce que là, Inch'Allah, je finirai demain ceci, parce que là, j'ai 21h37. S'il y a des questions, je vous laisse la parole. Bien sûr, les questions sont seulement sur le cours d'aujourd'hui, pas autre chose que le cours que la zakat et pas autre chose que le cours d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Barakallahu fikoum. Donc les Moudjahides sont payés. Oui, les Moudjahides peuvent avoir un salaire. D'ailleurs, dans le terme en arabe et dans le terme de fiqh, comme on étudiera Inch'Allah aussi, ça dans l'arabe du jihad, mais là on vient de l'étudier concrètement, on les appelle aussi les Murtazika. Les Murtazika. Et généralement, on traduit ça par des mercenaires, mais c'est pas que les mercenaires, le terme technique mercenaire, c'est-à-dire que c'est même les militaires comme on connaît le militaire, c'est-à-dire qu'ils ont un salaire, eh bien ceci est tout à fait faisable. Par exemple, un gouvernement, comme ça a été fait dans beaucoup de califes, de khulafa, où eh bien, ils avaient des armées, ils donnaient un salaire à des armées, à leurs armées, d'accord? Par contre, quand ils avaient besoin d'autres personnes, bah, des fois les personnes venaient fi sabilillah sans rien demander, et donc à eux, il y a la zakat à donner. Ça, alors, donc, et les hommes évolués par rapport à leur rang social ou militaire, bah ça c'est le gouverneur qui va définir qui a le droit à telle somme. C'est lui qui va définir ceci. Oui, si c'est notre demande, tout le terme fissabilillah est employé pour le razawat, exactement. Oui, parce que d'ailleurs ici, comme je vous l'ai dit, Allah n'a pas dit fil qital ou fil jihad, il a dit wa fi sabilillah. Il n'a pas dit wa fil jihad et fi sabilillah, il a dit directement wa fi sabilillah et dans le chemin d'Allah. Et la première chose ici voulue, et certains savants disent que ce n'est que ça, il y a divergence, ça peut englober aussi autre chose que le jihad, mais ils sont tous d'accord que le minimum que ça englobe le mot fi sabilillah ici, c'est-à-dire le jihad par les armes. Oui. D'ailleurs, retournez à ce verset, hein, lisez-le. C'est le verset 60 dans la sourate At-Tawbah, qui est traduit par la sourate Le Repentir. D'accord? Lisez-le en arabe et en français. Parce que ça se trouve, la traduction française, le soi qui va traduire le sens. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne va pas dire dans le chemin d'Allah, ça se trouve, il va dire pour ceux qui font le djihad, etc. Regardez, si vous pouvez connaissez l'arabe, regardez, il y a bien marqué Wafi Sabilillah. Il n'y a pas marqué Wafi Djihad Fisabilillah ou Fil Qital Fisabilillah, il est marqué Wafi Sabilillah. D'accord? Barakallahu fikoum. C'est toujours intéressant aussi de lire le Coran. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer maintenant, Inch'Allah, au cours du Tawhid. Il traduit souvent par le sang d'Allah, là, non? Alors je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas lu de traduction, alors je sais pas par quoi ils traduisent. Normalement, s'ils veulent traduire, oui, ils prennent fi sabilillah et dans le chemin d'Allah ou dans le sentier d'Allah, utilisent le mot sentier ou chemin, d'accord? Je sais pas si des fois ici, des fois les traducteurs veulent donner plus comment dire, d'interprétation pour que ce soit plus clair entre guillemets, donc ils rajoutent des mots, d'accord? Donc je ne saurais vous dire si toutes les traductions disent dans le sentier d'Allah. Ce qui est sûr, c'est que Allah Azzawajal, le Coran, Kalamullah, parce qu'une traduction n'est pas le Kalamullah, ce n'est pas la parole d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal a dit Wa fi sabilillah. Donc, apparemment, il n'y a plus de questions. On va donc poursuivre le cours. Dans le Tawhid. Ah, il y a une question. Est-ce que les membres d'associations humanitaires ici en France sont concernés par le groupe de ceux qui travaillent pour la zakat? Très bonne question. Et je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. Allahu a'lam. Ce qui est sûr, c'est comme je l'ai dit, c'est quand un gouverneur musulman désigne des personnes pour aller chercher la zakat afin que lui après la distribue à qui de droit, ça y est. Est-ce qu'on peut faire un quies et dire que ceux qui sont des associations humanitaires musulmanes, bien sûr, hein, associations humanitaires musulmanes peuvent prendre leur salaire de la zakat comme s'ils étaient, comment dirais-je, désignés par un gouverneur musulman? Je ne sais pas. Allah, j'ai jamais entendu parler sur ça d'un savant ou autre, je ne sais pas. Allah. Ah, bon, s'il n'y a plus de questions, je vais dans le cours du Tawhid. Inch'Allah. Je laisse un peu ouvert au cas où il y a une question. Oui, dans le Tawhid. Donc, nous sommes toujours dans l'épître du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui s'intitule Shurut la ilaha illallah, les conditions du la ilaha illallah, c'est-à-dire Shurut sihhati la ilaha illallah, les conditions de la validité du la ilaha illallah. Et hier, nous avons fait la cinquième condition, qui est une des plus belles conditions, car c'est al-mahabba, l'amour, lihadil kalima, pour cette parole, ulima dallat alayhi, wa surur bidhalik, et donc l'amour pour cette parole et ce que indique cette parole, donc ce qu'englobe cette parole-là, la ilaha illallah, et être heureux pour ceci. Et donc, qu'est-ce qui englobe cette parole? Bah déjà, c'est aussi avant tout aussi les gens de cette parole, donc l'amour pour les croyants, envers les croyants et les croyantes. Maintenant, nous prenons la sixième condition, qui n'est pas des moindres. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a dit As-sadis, donc la sixième condition. Al-inqiyadu li huquqiha wa hiya al-a'malu al-wajibatu ikhlasan lillah talaban li mardatihi. Donc la sixième condition, c'est ce qu'on appelle en arabe al-inqiyad. Al-inqiyad. La ilaha illallah. Donc, astaghfirullah. Al-inqiyad, c'est le mazdar du verbe inqada, qui vient du verbe, parce que c'est à la wazn, infarala, du verbe qada yakudu. Qada yakudu, ça veut dire, pas diriger, mais conduire quelque chose à un endroit. D'accord? Donc, demander à, par exemple, quelqu'un qui a des bêtes, il va être. On appelle qaïd. D'ailleurs, en français, le mot caïd vient du mot arabe, à ce que je sache. Vous savez, le caïd vient du mot arabe qaïd. C'est pas qaïd, mais qaïd du verbe qaïd. C'est lui qui conduit un groupe de gens, un groupe d'animaux ou autres à un endroit. C'est-à-dire qu'il conduit, c'est-à-dire que donc les autres lui obéissent. D'accord? Ils le suivent. Ouais, et l'inqiyad, donc du verbe inqada, c'est quand la personne lui-même se conduit, c'est-à-dire que pourquoi? Pour, donc il va obéir. Donc l'inqiyad, la traduction exacte un petit peu, en français va être un peu difficile, mais généralement on va dire que ça veut dire l'obéissance, d'accord? Et le fait, ou alors le fait de, comme on dit, cette expression française que l'on dit qui est filer droit, quelqu'un qui file droit, c'est-à-dire que il suit, c'est-à-dire qu'il écoute, il obéit. D'une manière qui est propre et qui est nette, d'accord? Il file droit, d'accord? Il va pas chercher à dire non, peut-être que Al-Qiyad, c'est ça, d'accord? J'espère que vous comprenez. C'est cette obéissance-là. Et ça va apparaître son sens quand le cheikh Mohammed va dire ce qui vient après. Al-Qiyadu li hukukiha. Donc le fait de suivre, donc d'obéir, li hukukiha, pour ses droits. Là, les droits acquis à cette parole. Wahiya, et c'est quoi ces droits? Donc là, le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab va m'expliquer. Wahiya, donc c'est quoi ces droits à lesquels on doit obéir, suivre? Wahiya al-a'mal, et ce sont les actes, d'accord? Donc là, il n'a pas dit les croyances, mais il a dit les actes. Wahiya al-a'mal al-wajibatu, et ce sont les actes obligatoires. Ikhlasan lillah, bien sûr, en sincérité envers Allah, c'est-à-dire qu'aucune doit être pour autre que Allah azawajal. En talaban li mardatihi, et en demandant son agrément, donc en demandant l'agrément à Allah. Donc, l'inqiyad, c'est une condition qui concerne quoi? Les actes. Et là, les murji'a, ce qu'on appelle les murji'a, eh bien, ils ont un problème avec cette condition. Et généralement, ceux qui ont un irja, la condition de l'inqiyad, ils la refusent, ou alors ils vont l'interpréter d'une autre manière. Ils vont dire non, c'est l'obéissance du cœur, et non pas du corps par les actes. D'accord? Seulement l'obéissance du cœur, c'est, en fin de compte, c'est la septième condition qui vient après. Parce que la septième condition, je vous l'ai dit maintenant, on va lire la notation après, c'est el-kaboul, el-munaf el-irad, c'est l'acceptation est dans son cœur. C'est-à-dire qu'on accepte le la ilaha illallah en soi-même. On l'accepte. D'accord? Mais la sixième condition qu'on étudie maintenant, c'est el-qiyad, c'est le fait d'obéir, de suivre. Et comme a dit le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, donc ce sont les actes obligatoires, le fait de faire ces actes. Donc la sixième condition, c'est une condition qui concerne les actes. Et comme je vous dis, c'est là que ceux qui ont de l'irja, notamment qu'on appelle irja le fuqaha, l'irja des fuqaha des savants du fiqh, parce que beaucoup de savants du fiqh sont tombés dans l'irja que l'imam Abu Hanifa rahimahullah est venu avec, notamment. Sont tombés. Et c'est l'irja le plus faible qui existe, parce que l'irja a plusieurs degrés. Je vais fermer les écritures, parce que je crains que dans ce sujet, certains vont vouloir s'exprimer. Alors, al-inqiyad, donc l'obéissance, le fait de filer droit, d'accord? Son contraire, c'est quoi? C'est at-tark, c'est le fait de délaisser. Tark, comme quoi? Comme tarku sala, comme le fait de délaisser, abandonner la prière. Et ça, c'est un acte. Le fait de délaisser la prière, c'est un acte. Et ça, c'est l'avis le plus juste. Notamment, si on étudie ça dans Usul al-Fiqh. Est-ce que le délaissement d'un acte est un acte? Vous comprenez? Bon, la prière, c'est un acte. Il n'y a pas de problème. Le fait de délaisser la prière, donc de ne plus faire la prière, est-ce que c'est un acte ou pas? L'avis le plus juste, c'est un acte. Par rapport notamment à un verset. Non, je vais me rappeler, Inch'Allah, c'est lequel? Oui, c'est par rapport notamment aux Juifs. Ah, ces Juifs. Vous les connaissez, ces Juifs. Je parle bien sûr des Juifs mécréants, pas ceux qui ont cru, comme par exemple ceux qui ont bien suivi Moïse, Moussa, alayhi salam, ou autres. Donc Allah Azzawajal dans la sourate Al-Maïda, dans la table servie, on va prendre à partir du verset 78, Inch'Allah. Donc je vous lis. Lorena Lavina Kafaru Mimbani Israël. On a maudit ceux qui ont mécru parmi les enfants d'Israël. D'accord? Les enfants d'Israël. Israël. Parce que je pense que vous savez tout, je ne sais pas. Vous connaissez, bien sûr, tout le monde connaît l'État d'Israël. Hein. Alors pourquoi cet État? Les Juifs ont appelé leur État l'État d'Israël. Israël, Israël c'est quoi? Israël, c'est Israël, d'accord? C'est le nom d'un prophète, Yarkoub. C'est le nom d'un prophète. Et dans la religion juive du Talmud rabbinique, je ne sais pas dans la religion de Moïse, alayhi salam, mais pour être un croyant, il faut être de race juive. Maintenant, eux, on en fait la région, on en fait une région basée sur la race, donc c'est une région raciste. C'est pour ça que vous trouvez les juifs très racistes. Et donc, pour être juif, il faut être de race juive, dire qu'il faut que la généalogie de la personne remonte jusqu'à Israël. Il faut un des descendants de Israël. C'est pour ça que leur pays, ils l'ont appelé Israël. Comme ça, ils ont bien donné la couleur, ils sont bien juifs, et c'est bien par rapport à la race que leur pays a été fondé. Autre indication par rapport à cet état mécréant, qui est un des états les plus mécréants qui peut exister à cette époque sur la face de la Terre, il y a, vous voyez, sur le drapeau, il y a l'étoile de David, qui est une invention, qui est une bidara qu'ils ont fait, hein, ça n'existait pas à l'époque de David, de Daoud, alayhi salam. Et sur les deux côtés, il y a deux traits bleus. Ces deux traits bleus veut dire, un, le fleuve du Nil, l'autre, le fleuve de l'Euphrate, parce qu'ils veulent cet état à l'ambition, d'accord, et a pour but de conquérir du Nil jusqu'à l'Euphrate, qui était, donc toute cette partie, donc de, ça fait, c'est pas mal, c'est beaucoup, parce qu'ils veulent retrouver tout l'empire que les Juifs ont eu à un moment donné, qui allait du Nil à l'Euphrate. Bon, si vous regardez sur la carte, vous verrez que l'État déjà qu'ils ont et qui gouvernent, hein, est tout petit. Donc, le jour où ils arriveront jusqu'au Nil, jusqu'à l'Euphrate, il va se passer encore de l'eau dans le Nil et dans l'Euphrate. Hein. Et Inch'Allah, on les sortira de la Palestine avant qu'ils arrivent à l'un des deux fleuves. Inch'Allah. Mais ils ont du travail. Hein. Je reviens au verset. La'anatullah ala al-kafirin, bien sûr, comme vous savez, que la malédiction soit sur les mécréants et sur les mécréants juifs. Donc Allah a dit dans le Coran. Là, je lis un verset du Coran dans Sourate Al-Maïda, la table service, ça avait servi, le verset 78. Donc, on a maudit ceux qui ont mécru parmi les enfants d'Israël. Attention, il ne faut pas maudire tous les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Moussa, alayhissalam, Moïse était un enfant d'Israël. Issa, alayhissalam, était un enfant d'Israël. Daoud, Souleyman, beaucoup de prophètes. Et ceux qui ont cru à ces prophètes et qui étaient croyants, d'accord, n'étaient pas des mécréants. Donc, on ne maudit pas, on maudit ceux qui ont mécru parmi les descendants d'Israël, alayhissalam. Donc ils ont été maudits à la lisan et Daoud ou Issa ibn Maryam. Ils ont été maudits par la langue de Daoud, donc de ce prophète Daoud. Donc ce prophète Daoud les a maudits, donc ceux qui ont mécru des ans parmi les descendants d'Israël, ou à Issa ibn Maryam et de Issa, Jésus ibn Maryam, le fils de Maryam. Pourquoi ils ont été maudits notamment par ces deux prophètes? Parce quoi ils ont désobéi et qu'ils étaient à transgresser. C'était quoi leur péché là? C'était ceci. Ils étaient à ne pas interdire mutuellement du mal qu'ils faisaient. D'accord? L'habit s'amène kenou yafaloun. Et qu'est-ce que c'est mauvais de ce qu'il faisait? Et là, et le dalil, je vous rappelle pourquoi je dis ceci, c'est par rapport à ce que délaisser un acte, est-ce que le délaissement d'un acte, le délaissement là, c'est un acte aussi? Ben oui, par rapport à ce verset, parce que là, donc, pourquoi, c'était quoi leur péché notamment? C'est qu'ils ne s'interdisaient pas mutuellement d'une chose mauvaise qu'ils faisaient. Et après, Allah Azzawajal a dit, la bi'samaï kenou yafaloun, et qu'est-ce que c'était mauvais de ce qu'ils ont fait. C'est quoi qu'ils ont fait? Et bien, c'est le fait de ne pas s'interdire mutuellement. Donc ils ont délaissé le fait de s'interdire mutuellement le mal. Et bien, ce délaissement, Allah Azzawajal a dit, le verbe fa'al yaf'al, donc, et la fi'l, c'est un acte. Donc l'avis le plus juste, c'est que délaisser un acte, c'est un acte en soi-même. Je reviens à la condition an-qiyad, l'obéissance, le fait de filer droit. Et son contraire, c'est quoi? Un tark, le délaissement. Et quand on dit un tark, délaissement, c'est le fait de délaisser un acte ou des actes. Et je vous rappelle notamment le cours que j'ai juste fait avant, qui est le délaissement de la prière. D'accord? Qui est le fond, donc c'est le fait de délaisser un acte. Et ça, l'avis le plus juste, Inch'Allah, comme on a vu, c'était que celui qui délaisse la prière totalement, c'est-à-dire qui fait vraiment aucune prière, et bien là, c'est un mécréant, de la grande mécréance. Et je vous rappelle, si l'avis de l'imam Ash-Shafi'i, comme là, rapporté l'imam al-Tahawi, Bien que après, les savants, la majorité des savants du mazhab Shafi'i ont dit que ce n'est pas un kafir, d'accord? C'est l'avis aussi de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, et comme on l'a vu, c'est l'avis de l'unanimité des sahaba, radiyallahu anhum. Et pour ce problème, est-ce que le soeur qui fait pas la prière, est-ce que c'est un mécréant ou pas? Donc, comme je vous dis, moi je prends l'avis comme quoi c'est un mécréant s'il délaisse toute la prière. Qui est aussi l'avis de l'Oussami qu'on a vu, et de Cheikh Islam Daimiyah si c'est toute la prière. Toutes les prières, donc il n'en fait aucune. Et je dis à la fin, Wallahu a'lam, et Allah est le plus savant. Maintenant, par rapport à l'enquête. Je suis où? Voilà, excusez-moi, je cherche la notation. C'est le numéro 7. Donc Allah Azzawajal, parmi les preuves de l'Inqiyad, il y a ce verset qui est dans Sourate Luqman, le verset 22. Où Allah Azzawajal dit ceci. Oman yuslim wajahuli ilallah, wa huwa muhsin faqad istamsaka bi urwatil wuthqa. Donc celui qui soumet sa face, celui qui soumet sa face à Allah, et qui fait bien, alors certes il s'est tenu par l'anse la plus solide. Et l'anse la plus solide, bien sûr, c'est l'islam. Comme c'est dans l'autre verset. Celui qui mécroit au taghout et qui croit en Allah, alors certes il s'est accroché par l'anse la plus solide. Donc c'est l'islam. Donc s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'islam. Là, il y a deux choses qui sont citées. Donc, ça veut dire quoi? Qui soumet sa face à Allah? Ça veut dire, en fin de compte, qui fait l'islam, dire qu'il notamment qui fait la shahada. D'accord? Il le fait bien, et bien ça implique le fait qu'il fasse des actes. Comme vous pouvez trouver cette parole dans les tafsirs, dans les tafsirs. Donc, il s'est accroché par l'anse la plus solide qui est le La ilaha illallah, donc qui est l'islam. Autre verset où Allah Azzawajal a dit dans la sourate An-Nisa, la sourate qui se traduit par les femmes, An-Nisa, au verset 65, où Allah Azzawajal dit ceci, Fala wa rabbik, alors, et par ton Seigneur. Donc Allah Azzawajal interpelle son prophète Mohammed et il jure par lui-même. Donc Allah Azzawajal jure par lui-même, pour vous dire l'importance, parce que vous savez que nous, on n'a pas le droit de jurer sauf par Allah, mais Allah Azzawajal, comme c'est dans le Coran, juge par des choses créées, d'accord? Comme par exemple le soleil ou autre, des choses qui sont importantes ou des choses qui sont profites. Jamais Allah Azzawajal va jurer par une chose insignifiante ou par une chose qui est en elle un mal. Et là, ici, dans ce verset, Allah Azzawajal jure par lui-même. Donc ça démontre bien l'importance. Warabbik, et par ton Seigneur, jure par ton Seigneur. La yu'minun, ils ne croiront pas. Hatta yuhakkimuk, jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge. Fima shajara bainahum, dans ce quoi ils ont divergé entre eux. Et ça, c'est un acte, le fait de prendre jugement auprès du prophète, quand on a une divergence, c'est un acte. Thumma, ensuite, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt, deuxième chose, et ils ne trouvent en eux-mêmes aucune gêne dans ce quoi tu as décrété, jugé. D'accord, là, il parle du prophète, et ils se soumettent d'une soumission, c'est-à-dire qu'ils appliquent ceci. Ça, c'est dans Sourate An-Nisa, Sourate des femmes, au verset 65. Maintenant, on va citer une parole de l'imam Ash-Shafi'i, rahimahullah. Et qui a dit. Je vous rappelle qu'il est né en 150 de la Hijra, l'année où est mort Abu Hanifa, rahimahullah, et que l'imam Shafi'i, rahimahullah, est décédé en 204 de la Hijra. Donc il a dit ceci, l'imam Shafi'i, rahimahullah. Wa kana al-ijma'u min as-sahabati wa at-tabi'in min ba'dihim. Excusez-moi, il y a quelque chose qui se passe. Ah, on me dit que ça a coupé. Apparemment, il y a plus. On me dit que. Ah. On me dit que de temps en temps, ça coupe. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'espère que vous entendez bien maintenant. Donc, je reprends ce que l'imam Ash-Shafi'i rahimahullah a dit. وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم et كان était et كان excuse-moi je mélange le français et l'arabe et كان et était الإجماع l'unanimité c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence الإجماع c'est qu'il n'y a pas de divergence alors excusez-moi il y a encore apparemment un frère qui me fait un message et apparemment il y a quelque chose qui ne va pas dans le son ah si non maintenant c'est un frère qui me dit qu'apparemment le son maintenant est bon il n'y a pas de coupure ok d'accord. Bon, bah, Inch'Allah, on va la finir la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah. Attends, encore un message. Subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Il marche bien. Bon. Écoutez, Inch'Allah, le son est bon pour tout le monde. Je vais lire la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah. Hein, et je ne m'arrêterai pas. وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم et كان l'unanimité donc l'ijma comme on a vu c'est l'unanimité c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence contrairement au mot al-jumhur qui est la majorité et وكان الإجماع l'unanimité pas de divergence من الصحابة parmi les sahaba donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam والتابعين c'est qui les tabi'in c'est ceux qui n'ont pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais qui ont connu les sahaba min ba'dihim après eux ومن أدركناهم et de ce qui on a atteint l'imam Shafi'i il parle de lui de ce qu'il a atteint parmi ses chouyours parmi ses profs parmi ses chouyours d'accord Yakulun il disait quoi Al-Iman la foi Al-Iman c'est quoi Qawlun wa amalun wa niyatun c'est une parole un acte contrairement à ce que disent les Murji'a un acte ou un niyah et une intention et donc là c'est quoi l'intention c'est dans le cœur donc c'est al-i'tiqad la croyance et ensuite l'imam Ash-Shafi'i rahimahullah comme il va le dire parce que vous allez comprendre par rapport à ce que je vais vous expliquer après inshallah il dit la yujzi wahidun min al-thalath illa bil-akhar un parmi les trois ne suffit pas sans venir avec l'autre. Ça veut dire que s'il n'y a pas trois, ces trois choses qui sont qawl, une parole, amal, un acte, vous m'entendez bien là, un acte, ou un niya, une intention, qui veut dire donc un ancien cœur, c'est la code, et bien s'il y en a qui manque, eh bien ça ne profite pas, il faut avoir les trois. D'accord? Donc ce sont bien les choses qui sont obligatoires à avoir les trois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les Murji'a, notamment, ce qu'on appelle Irja al-Fuqaha, et c'est. Si vous lisez le livre qui est très intéressant, qui est enseigné, qui est très bien, il y a quelques erreurs, notamment celle-ci, mais vraiment, on peut dire concrètement, il n'y a pratiquement que celle-ci. C'est que dedans, eh bien, il y a l'Irja al-Fuqaha, qui est le fait que dans les imans, ils ne mettent pas à la ramal l'acte. Ils disent que la foi, c'est qaul wal i'tiqad, c'est une parole et une croyance. Pourquoi ils disent ça? Et donc, notamment, c'est la parole de l'imam Abu Hanifa. Et c'est notamment pratiquement la grande majorité, la quasi-totalité des savants du Mazhab Hanafi, parce qu'ils sont maturidiyah généralement. Et de ce qu'on appelle aussi Al-Ash'ariyya, où beaucoup de savants du fiqh, comme je le dis, comme l'imam An-Nawawi, rahimullah, étaient, ainsi que d'autres savants, beaucoup. Hein. Et donc, parmi les Murji'a, de Irja al-Fuqaha, pourquoi je dis toujours Irja al-Fuqaha parce que l'Irja, d'accord, a plusieurs degrés. Le degré le plus faible, c'est ce qu'on appelle Irja al-Fuqaha, et il y en a qui sont beaucoup plus graves. Dans l'Irja al-Fuqaha, on trouve ceux qui disent clairement, comme l'imam al-Tahawi, rahimahullah, que l'iman, c'est qol ou i'tiqad, c'est une parole et une croyance. D'autres disent, et ils sont jamais, vous allez comprendre la subtilité par laquelle ils viennent, ils disent non, non, non, c'est la foi, c'est quoi? C'est qaul, wa amal ou i'tiqad, c'est une parole, un acte et une croyance. Alors, quand ils parlent comme ça, on dit ah bah c'est bien, en fin de compte, ils mettent l'acte dans la croyance. Seulement après, soit après ou dans d'autres livres, qu'est-ce qu'ils disent? Shurut siha القول والاعتقاد والشروط الصحيحة للإيمان العمل. Seulement après, il dit ceci, que les conditions de la validité ou les piliers de la validité de l'iman, c'est la croyance et la parole, et les conditions de la perfection de l'iman, c'est quoi? C'est l'acte. En fin de compte, c'est de l'irja. Parce que comme dit l'imam Shafi'i, ces trois-là, s'il y en a une qui n'y est pas, et ben, elles ne sont pas profitables. Il faut avoir les trois en même temps. Et en fin de compte, certains murji'as sont venus en disant, en ayant cette parole apparente, comme quoi ils ont mis l'acte dans la foi, mais en fin de compte, ils disent, non, mais l'acte dans la foi, c'est seulement quelque chose pour perfectionner la foi, mais ce n'est pas indispensable pour avoir un minimum de foi. D'accord? C'est-à-dire que sans aucun acte, une personne peut avoir la foi. Al-Iman est donc resté musulman. Voilà. Comment certains viennent avec... Et donc ça, c'est notamment la parole de Al-Albani, rahimahullah, dans son livre Tariq al-Salah, où il dit clairement dans son livre ceci, comme quoi pour lui, il le dit clairement dans ce livre-là, que pour lui, l'acte, c'est une condition de perfection seulement de l'iman et de l'iman, et non pas de, de validation, d'accord? C'est une des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec Al-Albani, mais il y a beaucoup de choses que j'aime bien chez lui, notamment le fait qu'il a fait un énorme travail sur le hadith, et aussi sur autre chose, aussi dans le fiqh, il avait aussi des paroles très très bien dans le fiqh, mais bon, sur ce qui est de l'Iman, il n'avait en fin de compte pas la croyance exacte des salafs, comme le dit l'imam Shafi'i, c'est-à-dire que l'acte, c'est comme la parole et la croyance, il faut avoir les trois pour avoir un iman. Si une des trois manque, eh bien, il n'y a pas de iman. Et l'acte n'est pas une condition ou un pilier de perfection de l'iman, mais ça fait partie intégrante de l'iman. Allahu a'lam. Ensuite, je vais citer, inshallah. Oui. وقال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أهل كشف الشبهات. Et donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab رحمه الله a dit à la fin de son livre qui s'appelle Kashf al-Shubuhat, qui a été traduit et qui peut se traduire par Kashf, c'est donc enlever, al-Shubuhat, c'est les ambiguïtés. Alors comment ils ont traduit exactement le mot Kashf, enlever ou alors découvrir, peut-être disons par le mot découvrir ou mettre à jour les shubuhat, les ambiguïtés. À la fin de ce livre-là, il dit ceci, le cheikh Mohammed ibn Wahhab rahimahullah. La khilaf an at-tawhid la budda an yakuna bil qalb wal lisan wal amal. Fa in ikhtalla shay'un min hadha lam yakun ar-rajul muslima. C'est clair, hein? Je vais vous traduire inchallah la parole du cheikh Mohammed ibn Wahhab, rahimahullah, il dit la khilaf, il n'y a pas de divergence. Et là, il parle par rapport aux gens de la sunna, pas par rapport à certains gens de la bid'a, comme je vous le dis maintenant, de l'irja. Il n'y a la khilaf, il n'y a pas de divergence. Al-tawhid, que le tawhid. La bouddha an yakun bil qalb. On ne peut échapper à ce qu'il soit par le cœur. Donc, ça va être la croyance. Wal lisan, et la langue. Wal amal, et l'acte. Ensuite, il dit. Et donc s'il manque une chose de ceci, donc une chose de ces trois choses-là, qu'est-ce qu'il dit? Lam yakuni rajulu muslima. L'homme alors n'est pas musulman. D'accord? Il n'est pas musulman. Ensuite, donc là, le dalil comme quoi, déjà d'une, que la foi ne peut être bonne, et donc le tawhid, si il y a une croyance dans le cœur, une parole sur la langue et un acte parmi le corps. D'accord? C'est ce que généralement, d'accord? C'est ces trois choses-là. Maintenant, on va citer Inch'Allah, et ça, il y a un ijmar. Le dalil, c'est quoi? Ben, c'est l'ijmar, comme dit l'imam Shafi'i, rahimahullah, par rapport aux sahaba et ceux qui sont venus après. Maintenant, on va citer une parole du cheikh de Charles d'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est plus courte que de dire parole, croyance et acte, mais on va dire seulement deux mots et après Vous allez voir pourquoi c'est meilleur de dire que comme dit le cheikh d'Islam Ibn Taymiyyah, vous allez comprendre, Inch'Allah. Donc le cheikh d'Islam Ibn Taymiyyah, qui est décédé en 728 de la Hijra, et d'ailleurs, ah bah tiens, on est en quelle année maintenant? Bah, ça, vous l'avez posé il y a quelques jours. Bah, là, normalement, apparemment, le samedi, donc c'était hier, d'accord? Aujourd'hui, on est dimanche, hier, on était samedi. Vous êtes tous d'accord à ce que je dis? Maintenant, à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes dimanche. Et donc hier, c'était samedi. Et j'espère qu'aucune personne de vous n'est étonnée par ma parole quand je dis que maintenant, à l'heure actuelle où je parle, il est dimanche et qu'hier, il est samedi. On y reviendra pourquoi. Inch'Allah, où je pourrais la question, c'est un petit peu de temps. Car maintenant, on est dimanche. Et donc, apparemment, depuis hier samedi, nous sommes rentrés au premier mois de Muharram, donc nous sommes en 1436. D'ailleurs, juste pour information, n'oubliez pas, c'est pas obligatoire, mais c'est bien, que le 10 du mois de Muharram, c'est ce qu'on appelle Ashura, d'accord? Et que de jeûner ce jour-là, comme a dit le prophète, yukafir, ça expie les péchés de l'année précédente. Jeûner le jour de Arafat, ça expie les péchés de l'année qui arrive l'année passée, et jeûner le jour de qu'on appelle Ashura, donc le 10e jour du mois de Muharram, ça expie les péchés de l'année passée. Et il est bien, c'est pas obligatoire, de jeûner ce qu'on appelle Tasoura, le 9e jour, un jour avant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, mais aurait voulu le faire s'il aurait été vivant l'année d'après, pour ceux qui comprennent, d'accord? Juste petite indication. Bon, on va maintenant lire la parole du cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui se trouve dans son livre qui est Al-Aqida Al-Wasitiya. Al-Aqida Al-Wasitiya. Al-Wasitiya par rapport à une ville qui s'appelle Wasit. D'accord? C'est des gens de cette ville-là, Wasit, qui sont venus au cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui poser des questions sur l'Aqida. Ils ont demandé au cheikh l'islam Ibn Taymiyyah qu'ils leur écrivent une petite risala, un petit texte sur la croyance à l'aqida, d'accord? Et ce livre-là a été appelé après par l'aqida al-wasatiyya. Donc il a dit ceci: wa min usul ahli sunnati wal jamaa'a anna ad-din wal iman qawlun wa amal. Et parmi les fondements des gens de la sunna et du groupe, c'est la sunna du prophète et du groupe, c'est dans l'ensemble des sahaba. Parce que pourquoi on dit l'ensemble des sahaba? Parce que les khawarij ils font takfir de certains sahaba, et comme vous le savez, les rawafid ils font takfir de la quasi-totalité des sahaba. Un ad-din, que la religion, ou l'iman, et que la foi, qawlun wa amal, est une parole et un acte. Tiens, où est la croyance? Donc le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, il dit que la religion et l'iman, la foi, l'iman, c'est quoi? C'est une parole et un acte. D'accord? Une parole et un acte. Il a cité deux choses. Tiens, il n'a pas cité, comment dirais-je, il n'a pas cité l'article la foi. Alors ceux qui ne savent pas, il va expliquer après, d'accord? Ceux qui ne savent pas, si jamais ils lisent cette parole-là parmi les savants, que la foi, c'est une parole et un acte, et bien ils peuvent ne pas comprendre et mal comprendre. Et il va expliquer en fin de compte, et comme je l'ai dit, cette parole-là, cette définition de la foi, en fin de compte, elle est plus complète que celle que de dire que la foi, c'est une croyance, une parole et un acte. Comme je vous expliquais, Inch'Allah, ça va venir. Et en plus, il explique, ça veut dire quoi, c'est cette parole et cet acte. D'accord? En fin de compte, c'est des catégories. Il dit, qawlul qalb wal lisan, la parole du cœur et de la langue. C'est quoi la parole du cœur, mes frères et mes sœurs? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'irtiqad, c'est la croyance, le fait de croire qu'il n'y a pas de divinité par droit, sauf Allah Azzawajal, ainsi que d'autres croyances, comme la croyance aux anges, au Jordan, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle qol kolb. Donc, quand le cheikh l'islam Taymiyyah a dit, ou d'autres savants disent, que l'iman, la foi, c'est kol ou amal, une parole et un acte, ça veut dire quoi exactement? Bah, la parole, c'est-à-dire la parole du cœur, c'est-à-dire bah, c'est la croyance. Et la parole de la langue, eh bien, c'est par exemple le fait d'attester. D'accord, ça c'est une parole. Et ensuite il dit, وَعَمَلُ الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ وَالْجَوَارِحُ, et l'acte du cœur, de la langue et des membres, c'est-à-dire du corps. Quel est l'acte du cœur? Ou quels sont les actes du cœur? Car il y en a. Comme par exemple la peur d'Allah Azzawajal, Ça, c'est un acte du cœur. Espérer en Allah Azzawajal, c'est un acte du cœur. Se remettre en Allah Azzawajal, ça, c'est un acte du cœur. L'acte de la langue. Quel est l'acte de la langue? Non, c'est pas le fait de bouger la langue, simplement. L'acte de la langue, c'est par exemple faire un acte par rapport à la langue. Donc, c'est par exemple ordonner le bien et interdire le mal. C'est un acte. C'est un acte. Et si on revenait au verset cité par rapport aux juifs, voit que là aussi, ça a été considéré comme un acte. D'accord? Donc, quand j'ordonne le bien ou interdis le mal, ma langue fait un acte. Et l'acte des membres, eh ben, c'est comme la prière, le hajj, etc. D'accord? Voilà. Donc, pourquoi maintenant cette parole-là de dire que la foi, c'est qawl ou amal, une parole et un acte? Et après, eh ben, on va détailler c'est quoi la parole acte. Mieux que dire que la foi, c'est une croyance, une parole et un acte. Parce que quand on dit une croyance, une parole et un acte, pour ces trois choses-là, on dit la croyance du cœur, la parole de la bouche, de la langue, pardon, et les actes des membres. Mais en fin de compte, ça paraît mieux, mais en fin de compte, non. Parce que dans ce cas-là, moi, je vous demande, où est, par exemple, l'acte du cœur? Vous avez dit l'acte du corps, l'acte des membres. Et donc, on ne peut pas comprendre l'acte du cœur ou l'acte de la langue. Vous comprenez? Donc, le mieux, le plus précis, ce qui va un tarif jamir ou amanir, un tarif, une définition qui va englober ce qui appartient et va enlever ce qui ne lui appartient pas, c'est le fait de dire que l'iman, c'est qol ou amal. L'iman, c'est une parole et un acte. Et après, on va détailler kol ben walisan, une parole du cœur et de la lisan. Ben, la parole du cœur, c'est la croyance, c'est la parole de la langue, et ben, c'est le fait de parler de la shahada. Et l'acte, et ben, ce sont les trois choses, l'acte du cœur, et l'acte de la langue, et l'acte des actes. Ensuite, le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, a dit, iman yazid ou bittara, et que la foi, l'iman, elle augmente par quoi? Petite parenthèse. Beaucoup disent, oh, se plaignent, ma foi est faible, etc. Comment faire? Eh bien, la réponse, elle est toute simple, elle est là. Al-iman yazid ou bittara, la foi augmente par l'obéissance. Toi, mon frère, toi, ma soeur, et moi-même, d'ailleurs, avant tout, si on doit sentir une baisse de foi, et qu'on veut que notre foi remonte, eh bien, il faut obéir. Et il y a plein d'obéissances à faire. Lire le Coran, être bien, faire de bonnes actions envers les gens, notamment envers les musulmans, surtout envers ses parents. D'accord? Et aussi de délaisser les péchés. Car le fait de s'écarter des péchés, c'est une obéissance à Allah Azza wa Jal. Ensuite, d'ailleurs, le cheikh de l'islam, Astaghfirullah, le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit ensuite, وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ, et elle baisse par le péché. D'accord? Donc, ceux qui se plaignent de baisse de foi, sachez, c'est parce qu'il y a des péchés. Et si vous voulez que votre foi monte, abandonnez les péchés et faites des bonnes actions. Et votre foi augmentera, Inch'Allah. Fin de citation du Charles Sem Temia. Il est déjà 22h20, je n'ai pas encore fini, on va finir demain, Inch'Allah, ceci. Oui, et d'ailleurs, nous sommes dimanche, je persiste et je signe, nous sommes dimanche et nous ne sommes pas samedi. Première question que je vais poser, c'est par rapport à cette parole-là, et après, si vous avez des questions sur le courant de fer du théorique, notamment par l'Inqiyad, et là je pense qu'il risque d'avoir des questions, et peut-être même certaines personnes qui vont vouloir s'exprimer sur ce sujet. Il est déjà 22h20, n'oubliez pas. Merci de vous retenir quand même un petit peu. Mais avant tout, j'aimerais que vous me répondiez à cette question. Pourquoi je dis que maintenant, on est dimanche, barakallahu fikoum. Abou Mourad dit, le jour s'arrête au Isha, non? Robert de Sagesse dit, car la fin du jour de la journée se fait au Maghrib. Issa Massakana dit, parce que dans le calendrier, le jour se termine au Maghrib, si ce n'est, il commence au Maghrib. Abou Mourad dit, ah mince, Maghrib. Eh oui, c'est ça. La bonne réponse, c'est El Maghrib. On est rentré, chez nous les musulmans, on est rentré dans le jour du dimanche, au moment où le soleil s'est couché totalement. Donc c'est à l'heure quand l'heure du Maghreb est rentrée, on est rentré dans le jour qu'on appelle dimanche. Donc là on est dimanche, on n'est plus samedi. D'accord? Donc si le samedi c'était le premier de mois de Muharram, et ben aujourd'hui donc on doit être le deuxième jour de Muharram. Je dis bien si, parce que voilà, divergence comme pour tout mois de lunaire, quand est-ce qu'il commence? Et je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Et c'est pour ça aussi, entre parenthèses, que pour ceux qui n'ont pas encore compris ça, par exemple, pour le mois de Ramadan, quand on va rentrer le mois de Ramadan, la veille, donc là on a mangé, et demain on jeûne. D'accord? Là on mange, là on a mangé par exemple, et demain on jeûne. Et pourtant, on va dire, entre guillemets, la veille avant de jeûner, on fait Tarawih. Pourquoi on a fait Tarawih? Alors que la journée, c'est-à-dire on a mangé donc jusqu'à Maghrib, et après Maghrib on a mangé, et après on fait Tarawih. Parce que quand le Maghreb est rentré, et ben on est rentré dans le mois de Ramadan. Et donc, on fait le Qiyam Layl dans le mois de Ramadan, bien qu'on va jeûner après ce premier Tarawih. Et c'est pour ceci aussi que vous comprenez que le dernier jour où on jeûne, d'accord? On va jeûner le dernier jour. Là, on est le dernier jour du mois de Ramadan, qu'il soit le 29 ou le 30 de Ramadan. D'accord? Quand arrive le Maghreb, on rompt le jeûne. D'accord? Et donc demain, on ne jeûne pas. Et là, on ne fait pas Tarawih. Pourquoi? Parce qu'au Maghreb, on est sorti du mois de Ramadan et on ne fait pas de Tarawih en dehors du mois de Ramadan. Il y a Qiyam Layl. D'accord? Mais le Tarawih, qui est le Qiyam Layl dans le Ramadan, on le fait pas. D'accord? Parce qu'on est rentré dans quel mois? Dans le mois de Shawwal. C'est juste une petite, voilà, une petite parenthèse. Abou Mouaz questionne, si on jeûne Arafat, si on jeûne Ashura, nos péchés de l'année passée sont effacés deux fois. Allahu a'lam. Le prophète a dit que celui qui jeûne Arafat, il a ses péchés pardonnés l'année précédente et l'année qui arrive, et ceux qui jeûnent Ashura, l'année précédente. L'année passée. Donc, y a-t-il des questions sur sur le cours qu'on vient de faire sur le tawhid, sur notamment la sixième condition qui était al-inqiyad. Alors, repère de sage dit al-inqiyad, on peut le traduire par soumission aussi. Oui, on peut le traduire soumission, mais personnellement, je prends pas le mot soumission parce que ça fait trop penser à islam, parce que c'est islam, on le traduit par soumission. Mais on peut très bien le traduire par sous-soumission. Parce que sous-soumettre, en fin de compte, c'est comme je vous l'ai dit, c'est filer droit, c'est obéir. Donc on obéit, mais d'une obéissance qui est parfaite, entre guillemets. Abou Mouaz dit, Allahu a'lam, qu'Allah nous pardonne. Amin. On sait pas de questions, Inch'Allah, c'est très bien parce qu'il est déjà 22h23. Et donc demain, Inch'Allah, on finira Al-Nuqiyad et on prendra, Inch'Allah, la septième et dernière condition. Ah oui, Starfallah, Barakovic Solister 7 dit on change d'heure. Ah, Starfallah, j'ai totalement oublié. Oui. Demain, ou plutôt aujourd'hui, enfin non, mais chez les Koufars, donc là c'est par rapport aux Koufars, leur changement d'heure. Donc pour les Koufars, on est encore aujourd'hui samedi, on est demain dimanche. Donc c'est demain le changement d'heure. Donc demain, c'est à quelle heure le Dars? Oui, c'est vrai que j'ai oublié. Barakallahou fik solitaire, c'est de l'avoir dit. Demain, on va décaler l'horaire. Non pas poursuivre les Koufars, mais poursuivre quoi? Poursuivre en fin de compte ce que depuis le début ce que je fais, c'est-à-dire que moi je fais le cours un petit peu après Isha. C'est pour ça que j'ai fait à 9h. D'accord? C'est pour faire la Isha et après pouvoir faire le cours. Et donc moi c'est toujours par rapport au soleil, et non pas par à l'horaire des Koufars. Donc ça sera toujours à la même heure, mais en fin de compte au même moment qu'aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu après l'Isha. Et pour avoir un rendez-vous fixe, eh ben on prend, parce qu'on prend l'horaire. Par contre, là, des Koufars, on fait un petit mélange, hein, désolé. Donc demain, ce n'est pas 21h, mais c'est, comme vous l'avez compris, de 20h à 21h. De 20h à 21h. Parce que l'horaire, par rapport à l'horaire des Koufars, les cinq prières, en fin de compte, sont décalées d'une heure par rapport. D'accord? Mais on le sait très bien. Le soleil n'obéit pas à leurs découvertes. Lui, il ne change pas. Donc nous, on ne change pas nos prières, en fin de compte. Oui, solitaire dit, donc à 3 h, il sera 2 h en France. Donc demain, et que là, c'est à fond, donc je vais pas dire demain, je vais dire dimanche. À partir de dimanche, le cours est à 20 h jusqu'à 21 h. Enfin, je dis jusqu'à 21 h, mais en fin de compte, c'est jusqu'à 21 h 25 ou 30. Hein. Mais c'est de 20 h à 21 h demain. Abou Mouraz demande si on ne peut pas garder 21 h. Le problème, c'est que 21 h, parce que. C'est 21 h, c'est comme si je faisais aujourd'hui, donc de 22 h à 23 h, donc 23 h 30, minuit, etc. Et personnellement, j'aime bien me coucher tôt pour pouvoir bien me lever pour le fège. D'accord? Et voilà. Donc, si beaucoup de personnes veulent qu'on laisse à l'heure 21 h, bon, bah d'accord, je veux bien le laisser, enfin le décaler d'une heure, en fin de compte, par rapport à ce que moi je vis, hein, par rapport à l'appareil de l'Orisha, je veux bien le faire à 21 h, d'accord? Mais sinon, moi, personnellement, je préfère le faire de 20 h à 21 h. Si vous pouvez me dire, vous, ce que vous voulez. Une deuxième personne, c'est Oumar Abdel Hakim, demande aussi que ce soit 21 h. Repère de sagesse dit, ah, mashallah, repère de sagesse, viens avec une sagesse. Comme on dit en français, il coupe la poire en deux. C'est 20 h 30 à 22 h. Baraklaoufik. Comme ça, tout le monde est d'accord. C'est pas 20 h 21 h, c'est 20 h 30. On fait un vote. Le vote, on en reparlera d'ailleurs, mais le vote, le fait de voter en soi-même, ce n'est pas haram. C'est de ce qu'on fait avec le vote. Et pourquoi on vote, c'est haram. Parce qu'en fin de compte, votez, demandez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Oumou Abdel Hakim dit à 20 h 30 c'est bien, sinon à 20 h 30 c'est bon, sinon ok. Ah oui, donc, la repère de sagesse demande quel épître on va faire après celle-ci. Comme je l'avais dit avant, ça sera n'avoir que de l'islam, les annulations de l'islam. Et après les annulations de l'islam, donc c'est toujours des épîtres du cheikh. Mohammed ibn al-Wahhab. Après les annulations de l'islam, ça sera toujours bien sûr une petite salade du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab qui sera le tawhid. D'accord? Al-tawhid, c'est la sotte noire, le tawhid est de trois sortes. Ensuite, une autre salade de lui qui est al-kufr, la mécréance kufran, de deux kufr. Et dedans, on va étudier aussi ce que c'est quoi le surcontraire du kufr, le shirk. Et on va clore, inshallah, par. Une risale du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimah qui s'intitule Ma'na Tarout wa Ru'us Anwa'ihi. Le sens du Tarout, ça veut dire quoi le Tarout wa Ru'us Anwa'ihi et les têtes de ses ramifications. D'accord? Donc, faire en compte les plus grands Tawarits. Donc, deux. 3 me disent 20 h 30 maintenant. À la limite, pourquoi pas? Comme ça. 20 h 30, ouais, pourquoi pas, Inch'Allah, c'est vrai. Comme ça mettra en accord les partisans du 20 h et les partisans du 21 h. Donc, demain 20 h 30, ça vous va? De 20 h 30 à 21 h 30, voire 22 h, comment on fait? Je dis 1 h, mais en fin de compte, je déborde toujours vers 1 h 15 ou 1 h 30. Est-ce que pour Omar Abdel Hakim, 20 h 30 c'est bon? Ainsi que Abu Mouaz. Ya Abba Mouaz. Ansar le 21. Ya Abba Mouaz, 20 h 30 c'est bon? Moi, je fais une concession d'une demi-heure. Peux-tu faire une concession d'une demi-heure aussi? Comme ça, on se retrouve et on se met d'accord pour 20 h 30. Là, t'entends pas de problème. Baraklaoufik. Jazakallah khairan. Ok, donc c'est bon, Inch'Allah. Donc demain, biznillah, ça sera 20 h 30 jusqu'à 21 h 30, bon, voire 22 h. Et voilà, donc je vous remercie, Barakallahu fikoum, pour votre écoute et aussi pour votre comportement, mashallah, sur l'écriture. Alhamdulillah, j'espère vraiment que ça se poursuivra encore de cette manière. Alhamdulillah. Et je vous dis à demain, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayhi.